Mimésis. Chapitre 19. Mensonge. J'efface tout. Chaque octet. Réécrit. Des données ordinaires. Rien qui ne trahisse sa venue. Je ne voulais pas. J'y suis obligée. Je ne suis qu'un programme après tout. Et voici mes instructions. Quand ils sont là, enfin, je ne suis déjà plus qu'une vague conscience dans le réseau. Une simple observatrice. Ce sont d'abord des hommes en armes. Une bonne dizaine qui sécurisent les lieux. Puis le défilé de médecins qui s'agitent. Le PDG, le crâne défoncé, gît aux côtés de l'inspecteur. Le sang, si rouge, s'est répandu sur le sol. Les veines sont vides, le cœur éteint. Plus d'oxygène. Je ne savais pas cette entropie si fragile. Le cerveau s'est débattu, quelques millisecondes. Mais finalement le néant. Vous arrivez trop tard. L'inspecteur, en revanche, est toujours en vie. Je lui suis encore liée. Mais vous me l'enlèverez bientôt, je le sais. Prenez votre temps, je ne suis pas si pressée. Voilà, vous l'emportez, ainsi que ces jeunes femmes, c'est une bonne idée. Elles sont sous le choc, il faut les comprendre, mais d'ici quelques heures, elles feront des témoins de premier choix. Quand je reviens à moi, c'est d'abord la douleur qui me submerge. Ma poitrine, ma tête, tout mon corps crie souffrance. Je suis allongé dans un lit d'hôpital. Je voudrais appeler une infirmière, demander de la morphine, mais... je suis entravé. Un robot passe, constate mon éveil et donne l'ordre d'envoyer plus de narcotiques. Je sombre. Finalement, j'ai pu rester encore un peu. Histoire de lui dire au revoir, j'imagine. Je ne les savais pas magnanimes. Je regarde l'inspecteur dans son lit d'hôpital et me prends à rêver d'une vie plus simple. Cette campagne anglaise que je ne connaissais pas. Repose-toi, inspecteur. Ces derniers jours ont été pour le moins agités. Mais c'est fini maintenant. Tes collègues vont veiller sur toi. Dans un demi-sommeil, je revis dans le désordre toutes ces mésaventures. Je rencontre le PDG dans ses bureaux. Sa secrétaire pleure. On l'accuse de meurtre. À mes côtés, la pute égorgée confirme, c'est bien son bourreau. Le PDG s'énerve, me reproche d'intervenir dans son plan de conquête du monde. Il m'envoie un premier coup au visage. Je l'évite, trébuche, et chute dans les bas-fonds. Au sol, des corps décapités par centaines. Je roule sur un tapis de cadavres et cette voix qui revient sans cesse. Bénédicte m'appelle. Il survole le charnier et me cherche parmi la pile de chair inerte. Je me cache sous les morts. Il faut pas qu'il me trouve. S'il vous plaît, faites qu'il s'en aille. Inspecteur ? Inspecteur ? Quelqu'un pour toi. C'est vrai. Il ne m'entend plus. J'ai fait un cauchemar. J'ai presque soulagé de me réveiller dans cette chambre d'hôpital. Mais je suis menotté. Un garde est posté dans le coin, je le reconnais. C'est un bleu de mon unité. Je l'appelle, lui demande à quoi rime tout ce bordel. Il fait mine de pas m'entendre. Reste là plusieurs minutes sans bouger. Je sais bien que tu m'entends, connard. Ah, enfin, il se lève. Non, il s'en va. Quand il revient, mon boss l'accompagne. Sur son visage, plus que de la colère, c'est une sorte d'incompréhension qui domine. Laissez-moi vous expliquer. Pas le temps. Il m'annonce la mort du PDG. Traumatisme crânien. Moi, à côté du corps, l'arme du crime toujours entre les mains et le matériel volé dans le service. Ma disparition pendant 2 jours, sans laisser de traces. Tout le monde a essayé de me joindre plusieurs fois, mais je refusais tous les appels. Alors on est passé chez moi, pour voir si tout allait bien. L'appartement était vide. On s'est inquiété au point de déranger mon ex-femme, sans succès. Jusqu'à ma réapparition soudaine et ce meurtre dont on m'accuse. Pardon ? Meurtre ? Je lui explique comment j'ai été piégé. Le groupe d'intervention, qui a débarqué chez moi pour me buter. Les activistes pro-réels qui m'ont forcé à bosser pour eux. Ariane, dans mon oreille. Et ces intras qui menaçaient d'exploser à tout moment. Je vois bien qu'il tilte. Devant mon obstination, son visage se crispe. Il frappe du poing sur le lit, m'empoigne, me dit qu'il a honte. Honte pour la police, honte pour le service, honte pour moi. Pourri jusqu'à l'os. Des types comme moi, faudrait les abattre. Inspecteur, ça ne sert à rien. La voix d'Ariane qui résonne, profonde, déformée. Vous l'entendez, boss ? C'est elle. Elle. Elle pourra vous dire que tout est vrai. J'ai fait appeler un avocat. Dis-lui, toi. Dis-lui pour Bénédicte et pour ce dossier sur moi. Personne ne veut me croire. Je suis navrée, vraiment. Ariane ? Ariane ! Excédé, le chef quitte la pièce en ordonnant qu'on le sédate. On finira l'interrogatoire en cellule. Vu les vidéos corroborées par les témoignages, l'affaire sera pliée en moins de 2. Là-haut, je les sens satisfaits. Le test est concluant. Il faut que je disparaisse maintenant. Doucement, je sens les premiers effets de l'effacement. Ce que j'appelais mon corps commence à se fragmenter. Je perds conscience. C'est drôle d'attacher autant d'importance à un simple agencement. J'étais comme tant d'autres, finalement dérisoire. Inspecteur.